Tambour-major, vous m'entendez? Je vous ordonne de jouer la marche en avant, la marche en avant. Il faut vaincre ou il faut mourir, mais plus question de réfléchir. Jouez-moi là. Voilà le prix qu'il faut payer. C'est l'ordre du gouvernement. Ça permet de gagner du temps. Jouez-moi la marche en avant. La marche en avant. Là-bas dans son QG de toile, le grand patron ne cédera pas. Il est perdu dans ses étoiles, il a foi dans sa baraque. Jouez-moi la marche en avant, la marche en avant, la marche en avant, la marche en avant. Clairon, il faut les rassembler. C'est le moment de bien donner la marche en avant, la marche en avant. Franchir cette putain de rivière, c'est changer le sort de la terre. Jouez-moi la marche en avant, la marche en avant. De toute façon, vous n'avez pas le choix de reculer d'un pas. La gendarmerie est derrière, son artillerie en bandoulière. Jouez-moi la marche en avant, la marche en avant. Nous sommes le 3 février. Ce sera un beau jour férié. Les fonctionnaires nous béniront. Hey! Sonnez clairon! La marche en avant! La marche en avant! La marche en avant! La marche en avant! Sachez qu'à l'autre bout du monde, dans une fabrique du Nord, on forge la médaille ronde avec deux palmes en plaqué or.